et c'est même là que se trouve le vrai problème. Quand vous regardez souvent la plupart de nos édits qui sont aux affaires, ce que j'appelle les dirigeants de moment, lui, c'est les dirigeants de moment dans nos états là, ces fonctionnaires, ces hommes qui décident, ces généraux, allez voir leur, ce que j'appelle leur historic case. Ils sont souvent tellement imbriqués avec les intérêts occidentaux et français à un niveau. Et c'est ça qui a justifié. Parfois assez difficile. Assez difficile de leur expliquer que ben, le monde est en train de prendre notre temps, comment une autre orientation. Arrimez-vous à la nouvelle donne mondiale qui va justement vous propulser et faire de vous des États dignes. C'est là où se trouve l'enjeu central. Et ne faites pas les déconnexions. Ce qui se passe sur le plan militaire en Ukraine aurait des répercussions en Afrique. Ce qui se passe sur le plan économique et financier avec le processus de dédollarisation aura forcément des répercussions en Afrique. Ce qui se passe, c'est ce déplacement du centre géopolitique du monde vers l'Asie aujourd'hui aura forcément des répercussions en Afrique. Aux Africains de comprendre et savoir prendre la mesure de ce qui se passe et de s'introduire, de s'incrustrer dans ce nouveau décollage de l'économie mondiale, de la civilisation mondiale, de la culture mondiale, des rapports de forces mondiaux, pour que l'Afrique puisse être un véritable phare qui va compter dans la construction de ce nouveau monde. Et pour cela, nous ne pouvons pas continuer d'avoir des chefs d'État, des dirigeants de notre continent qui hésitent. Les Français disent qu'il ne faut pas rester trop longtemps indécis. Le Tchad doit couper ce nœud gordien-là. Le Tchad doit se départir de la présence nocive de la base militaire de l'armée française sur son sol. C'est elle qui est le vecteur de déstabilisation. C'est elle le problème. Tant que le Tchad a sur son sol cette armée d'occupation, je peux vous dire que tous les schémas, les constructions de barbouzerie pour déstabiliser notre continent seront des possibilités. Il faut évacuer ces possibilités. La construction d'une Afrique unie, même sur le plan sous-régional, ne pourra être possible que si nous élaguons, nous détruisons, n'est-ce pas, cette force d'active de déstabilisation de nos propres construction pour le bonheur de nos propres enfants. Le Tchad est un pays trop riche. Le Tchad est un pays énorme. Le Tchad a des pourcentages hors pair. Il suffit pour les autorités tchadiennes de comprendre la voie qu'il doit prendre aujourd'hui. Je dis que nous avons un passif de nos relations avec cet Occident impérialiste avec son principal contre-maître qu'est la France. C'est ça. C'est la pauvreté qui est au Tchad. C'est la misère qui est au Tchad. Quels sont les dividendes de notre coopération avec ces gens? Si ce sont les coups d'État de manière récurrente, si c'est la misère, la destruction, l'incapacité d'amorcer même une vision de développement de économique quelconque. L'école qu'ils nous ont donnée, c'était l'école de quoi? Pourquoi ce sont des clercs? Pour remplir les cahiers de leurs comptoirs coloniaux qu'ils ont installés chez nous. Les cahiers comptables, je veux dire. C'est tout. Ils n'ont pas créé des économies de développement, une école de développement, une école de la prise en main de manière autonome de nos destins. Non. Il faut tout refonder. Mais ça ne peut pas être possible si vous avez encore, sur votre propre sol, une armée d'occupation fait de mercenaires et de barbouzes, je vous rappelle. On parle souvent d'hypocrisie africaine. Macron en a parlé à Yaoundé. Mais les plus grands hypocrites, c'est les Français. Leur armée, là, qu'on appelle la Légion étrangère, je répète ça sur plateau, c'est un corps de mercenaires étrangers au service de la France. Hein. C'est ça la Légion étrangère. Monsieur Mesmer fut l'un des généraux de la Légion étrangère. Quand vous avez des corps de mercenaires, quand vous entendez les gens étrangers, en gros, grosso modo, les troupes des gens étrangers sont composées des individus qui ne sont pas des Français. Mais c'est qui se comportent comme des mercenaires au service des intérêts français. C'est l'armée française. Donc, et vous voyez le mode opératoire. On crée, au nord, parce qu'on vous a dit 1000 km de frontière entre la République tchadienne et le Centrafrique. 1000 km de frontière. Monsieur, pour s'excuser, 1000 km de frontière, avec des budgets centrafricains, sont les 280, 250 milliards de francs CFA, à devoir comment, hein? Mais dans ces 1000 km de frontière, là-bas, des extrêmes nord de la frontière, on crée un faux jeu. Vous avez les yeux et l'intérêt braqué là-bas. Alors que, en réalité, c'est dans le sud où vous pensez que tout est calme, qu'ils sont en train de préparer le véritable coup. Le simple fait que le pays frère du Tchad ait accepté d'héberger M. Bozizé et ses mercenaires sur son propre sol était déjà un problème. Et nous l'avons dénoncé. Ce n'est pas parce que l'individu Bozizé est parti, mais toutes les forces de nuisance encadrées par Paris de M. Bozizé sont encore présentes au Tchad. C'est une situation de belligérance ouverte avec de tels rapports inamicaux qu'un pays accepte d'héberger. Mais le Tchad ne l'héberge pas parce qu'il veut. Ils hébergent ces forces-là, conflictogènes, parce qu'on le lui a imposé par Paris. Et c'est ça, on remet la question de la souveraineté tchadienne. Elle est quasi inexistante dans un rapport pareil. Et nous disons donc à nos frères, nos amis qui disent le Tchad aujourd'hui, ne vous laissez pas manipuler davantage par Paris. Président Mahamat Idriss Déby Itno, respecte ton calendrier. La parole que tu as donnée à ton frère, le président Touadéra, de lui rendre visite pour aplanir vos divergences, il faut l'exécuter. Président Touadéra, continue de maintenir la main tendue. Je te sais, tu es meurtri par cette incompréhension dangereuse qui risque de déstabiliser toute la sous-région. Parce que le projet que tu as à cœur, depuis que, justement, malgré les atermoiements et les petits pots de banane, tu as quand même réussi à avoir la direction à tenir, hein, de la CEMAC. Tout à fait. Et le projet, c'est-à-dire que la feuille de route que tu as pour la sous-région, c'est ça aussi l'une des raisons pour lesquelles la France ne dort plus. Mm-hmm. Il faut absolument éliminer Touadéra et éventrer cette formidable dynamique à travers cette feuille de route qui va davantage donner de l'autonomie à notre sous-région. Oh, c'est mangeur de la paix. D'ailleurs, il a réussi à gérer un gouvernement plein d'anciens rebelles. Donc, c'est pas avec un chef d'État donc, Fabrice Ndoum, c'est un cri que nous lançons en direction non seulement du Tchad et d'autres pays voisins qui seraient tentés de faire je ne sais pas quoi. Nous sommes dans l'œil du cyclone. Nous sommes dans l'œil du cyclone. Les intérêts occidentaux ne sont pas compatibles avec la volonté des Africains de retrouver leur souveraineté. Nous sommes dans l'obligation de trancher la question. Et on ne peut pas trancher la question autrement que de nous alliant avec des forces, avec des pays qui participent à l'émergence de ce nouveau monde multipolaire. D'accord. Regardez ce qu'ils font au Soudan. Vous croyez que c'est neutre? Ce n'est pas neutre. C'est cet agenda de créer autour de la République centrafricaine, c'est-à-dire des foyers de tensions permanentes qui vont justifier plus tard le fait qu'il y a des hordes de barbares, de sauvages et de brigands qui vont pénétrer en République centrafricaine et créer la déstabilisation. Les premières forces armées depuis la crise soudanaise, ils se sont déportés du côté tchadien pour faire illusion. Mais après le gros des troupes, ça va être au niveau de la République centrafricaine. Alors, si heureusement que nous avons anticipé avec les accords militaires que nous avons et avec la Russie et avec d'autres pays, dont le Rwanda, à qui je remercie le leadership carré du président Kagame, il faut le dire, parce que sans sécurité, tous nos projets de développement là, sans voie à l'échec. C'est fini, tu ne peux rien faire. Mm-hmm. Sans sécurité. Je remercie le Cameroun pour le sacrifice de ses hommes. Je remercie le Burundi pour le sacrifice de ses hommes. En République centrafricaine, j'ai vu de mes propres yeux. Quand vous allez à la base camerounaise à Bangui, là vous vous rendez compte de l'effort colossal fait par le Cameroun pour aider ce pays frère à se stabiliser. Les voies de la diplomatie sont toujours ouvertes. il faudra les explorer et les densifier. D'accord. Je sors en disant une fois de plus à nos frères, les vivants et les morts nous regardent et nous jugent. Il y a eu trop de sang versé pour libérer la France pendant la Seconde Guerre mondiale. N'Djamena, Fort Lamy, premier regroupement, 17 000 hommes. Il n'y avait pas encore vos tirailleurs sénégalais là, hein. C'est-à-dire que j'ai dit le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Centrafrique en masse, c'est Jean Koudougou. Hein? Koudougou. C'est Jean Koudougou et ses troupes. La libération de Bir Hakeim. La bataille de Bir Hakeim. Piloté par le commandant Koudougou. La bataille de Bir Hakeim. Ce sont les fils et les. C'est le sang des Centrafricains. C'est le sang des Tchadiens. C'est le sang des Camerounais, des Congolais, de Gabonais. Est-ce que vous pensez que ce sang a été versé pour rien? Voilà. Pour aujourd'hui, continuer à piétiner ce sang en répondant à l'œil au projet macabre, déstabilisateur, criminel de Paris? Est-ce que les enfants du Tchad ont versé leur sang inutilement pour libérer la France? Est-ce que nos élites nous comprennent aujourd'hui? Pourquoi ils ne comprennent pas? Il faut que se réapproprie de cette réalité historique et qu'ils comprennent que ce sont que les continuateurs d'un sacrifice qui fut fait et qu'aujourd'hui les Africains ne doivent plus se faire la guerre. Parce que cette guerre, nous l'avons déjà fait pour assumer notre liberté, notre indépendance. On ne peut plus reverser du sang africain comme ça pour rien. La France. Et pour un pays qui n'est pas même pas du tout reconnaissant vis-à-vis de nous. Et une tête d'hypocrite. Et Dieu le fait même sur le sol africain. L'unité politique de notre continent passe aussi par cette perception du sens de l'histoire. D'accord. Et nous disons à tous ceux qui nous écoutent, aux populations tchadiennes, vous êtes nos vigiles sur place. Maintenant, vous l'avez si bien dit. Avec cette petite vidéo amateur, vous ne vous rendez pas compte de la portée de l'acte patriotique et héroïque que vous faites. Tout à fait. Faites toutes les vidéos, même si un soldat français veut faire pipi sur un homme, un arbre, filmez-le et envoyez-nous ces images. Nous saurons comment les exploiter. Parce qu'aujourd'hui, l'une des forces, n'est-ce pas, qui ont structuré, n'est-ce pas, les dynamiques sur le plan international, c'est quand même la puissance des médias. Des médias. Et heureusement que dans cette nouvelle Afrique Média a été l'un des pôles majeurs de cette nouvelle réponse africaine dans ce combat pour libérer enfin les cerveaux des Africains pour qu'ils commencent à voir plus clair. Je vous remercie et je dis merci une fois de plus au président Faustin Archange Touadéra. Président, respect. Merci à vos patients, parfait, d'homme la voix de la sagesse qui nous éclaire, en tout cas dans le cadre de ce programme. Afrique Média, le monde, c'est nous.